Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, Mac Appine, Cherinian, Portnoy et Shinan en live à Tokyo avec bien sûr une setlist avec quelques petites douceurs du catalogue de Dream Theater. On rappelle que à l'époque de cet album live, on avait Mike Portnoy et Derek Sherinian qui étaient d'anciens musiciens de Dream. Depuis, Mike Portnoy vient d'annoncer son retour dans le groupe de prog metal américain. C'était The Stranger. Ce soir, pour débuter l'émission, on va envoyer cette petite bombe qui est le dernier album de Rival Sons, The Lightbringer, qui vient de voir le jour sur Atlantic Records. Pour moi, l'un des meilleurs albums de l'année. Tout simplement, on a la suite de Dark Fighter qui était sorti au mois de juin. Donc on a deux mini-albums, un peu dans la veine de ce qu'a fait Mass Hysteria il y a de ça quelques semaines. Là aussi, on retrouve tout ce que l'on aime chez le groupe américain. Beaucoup de groove, une voix soul et des guitares remplies de fuzz. Ce sera le morceau Sweet Life par Rival Sons. Some more that Vous venez d'entendre Rival Sons avec ce Sweet Life, extrait de leur dernier album Lightbringer. Je vous recommande cet album très très chaudement. C'est pour moi l'un des tout meilleurs de l'année. Rien que ça. Alors ce soir, dans Overdrive, on aura 18s, Arnaud, guitariste de 18s, qui vient là nous présenter Straight to Namek, la dernière déflagration du groupe de Lyon, qui nous fait une musique d'inspiration crossover. On est sur les terres d'un bon vieux Municipal Waste, d'autres également de 8Breed. Alors, est-ce que tu nous entends maintenant, Arnaud? Ouais, c'est bon, je vous entends, je suis là. Ok, alors tu nous présentes 8Scenes. Depuis combien de temps est-ce que vous existez? Est-ce que tu peux revenir sur un historique du groupe pour les personnes qui vous ne connaîtraient pas à l'heure actuelle? Alors ouais, donc 8Scenes, on a formé le groupe en 2007 avec le chanteur Loïc, qui est mon meilleur pote. Donc au début on était un peu sur Lyon, on a eu quelques changements de line-up. Et en fait depuis 2012, on a notre line-up actuel avec Julien à la batterie et Mike à la basse. On a enregistré 6 albums studio, justement Straight to Namek va sortir là lundi prochain, c'est notre 6e album studio. Et voilà, on fait du crossover trash metal, très très influencé trash, Slayer, Municipal Waste, et côté hardcore aussi, 8Breed, comme tu l'as dit, Terror aussi pour les fans de hardcore américain. Alors, ce qui un truc qui saute aux yeux et aux oreilles, c'est un petit peu l'aspect délire du groupe, puisque on sent l'écoute des morceaux que vous prenez pas vraiment la tête. On va dire que la musique, elle est faite pour secouer justement la tête, passer un bon temps en live. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé de lui-même? Eh ben, c'est exactement ça en fait. Si tu veux, 8Scenes avant tout, c'est une aventure, c'est une bande de potes. On a monté le groupe, comme je disais, avec Loïc, c'est mon meilleur ami, et on a rencontré Mike et Julien, et vraiment, aujourd'hui, avant tout, on a une bande de potes. On kiffe la zik, on kiffe le trash tous ensemble, et avant tout, on aime faire de la musique ensemble, et on a la chance de pouvoir la jouer sur scène, et d'avoir aujourd'hui un public derrière nous qui kiffe cette musique. Et voilà, on est vraiment là-dedans, dans le partage, faire vraiment ce qu'on aime, être sur scène. Et voilà, quand on arrive, on joue, c'est comme une grosse fête qu'on fait avec le public. Et il y a vraiment un échange, une interaction avec eux. Et c'est ça qu'on aime véhiculer sur scène et dans notre musique, en fait. Et puis, ceci étant dit, vous ne négligez pas la qualité musicale et la qualité de la production, puisqu'on retrouve tout de même ici un très gros son, très ample, très bien produit et qui se veut très moderne. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'enregistrement de ce dernier album, Straight to Namek? Puis j'imagine qu'après 6 albums, maintenant vous êtes plus ou moins affûté là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, pour cet album, on a décidé de voilà, on avait envie vraiment de d'avoir un gros son, de vraiment travailler la production. Et du coup, on est allé enregistrer à Marseille dans un studio qui s'appelle Homeless Records. Et en fait, c'est le studio des mecs de Landmarks, pour ceux qui connaissent, un très très gros groupe français. Et on a enregistré avec Flo, le chanteur de Landmarks. Et voilà, c'est des mecs vraiment hyper pro, qui font du très très bon son, et l'enregistrement s'est super bien passé, et on est très très content du résultat de Straight to Namek, où on a vraiment une prod qui colle à notre voilà, ce qu'on avait comme vision du groupe aujourd'hui en 2023, et où on a amené notre musique aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on a vraiment énormément travaillé sur cet album, notamment grâce au, si on peut dire, grâce au Covid, parce que ça nous a permis de, bah, ça a été compliqué, on a plus fait de concert, mais on a pu prendre le temps de vraiment travailler les compos, travailler le son, travailler l'image qu'il y a autour de tout ça. Et voilà, le résultat aujourd'hui, il est là, il est vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait, de l'énergie qu'on a mis dedans, et on est vraiment très très content, très fier de sortir ce nouvel album. Et pour le coup, les premiers retours sont super encourageants, donc voilà, on a tout mis dedans. C'est pas un peu étrange ça pour un groupe de, justement, de hardcore trash qui a l'habitude de jouer une musique très, très spontanée, très directe, de dire qu'on a apprécié le confinement pour pouvoir peaufiner, on va dire, les moindres détails de ces compos? Bah, disons que c'était un peu par la force des choses quand même, parce que effectivement 2018-2019 on était sur une super lancée, on a fait des très beaux concerts, on avait sorti notre EP qui a juste avant, qui s'appelle It's a Trap, qui nous a permis de faire vraiment beaucoup de dates. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc effectivement, il y avait une énorme frustration au début de se dire merde, putain, on peut plus faire nos disques, on peut plus faire ce qu'on aime. Et surtout l'inconnu, on savait pas ce qui allait se passer. Et donc dans l'attente, voilà, par la force des choses, chacun un petit peu a fait un peu sa vie dans son coin, mais tout en pensant à l'album, tout en continuant à faire de la musique à la maison. Et il y avait quelques morceaux de l'album qui avaient été déjà écrit avant le Covid, et en fait ça nous a permis d'écrire les autres et d'affiner les premiers morceaux et vraiment de trouver une cohérence sur cet album. Et quelque part, voilà, on a pu prendre le temps de le faire vraiment avec le Covid, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un résultat qui est à nos yeux vraiment cohérent et qui représente vraiment ce qu'est 8 Scenes aujourd'hui dans son image et dans la musique qu'on propose. Et justement, moi, il y a quelque chose, un point sur lequel j'aimerais revenir avec toi, ce sera les parties vocales de Loïc, qui, pour ce style de musique, me semble quand même assez diversifié, puisqu'on retrouve, à l'écoute de Straight to Namek, on retrouve à la fois des vocaux assez gutturales qui tirent presque sur le death metal par moment, et d'autres passages qui sont un peu plus aigus, tu vois, un peu plus scandés, comme ça se fait bien dans des groupes de hardcore. Donc est-ce que c'est quelque chose que là aussi vous avez essayé d'élargir votre palette à ce niveau-là? Ben, c'est exactement ce qui s'est passé sur cet album. En fait, on a voulu essayer des nouvelles choses un petit peu et élargir un peu nos influences, parce que si tu veux, tous les quatre on est globalement tous fans de métal, mais on a tous un peu des influences différentes, et sur cet album on a réussi à apporter un peu tous nos influences. Les premiers albums, en fait, étaient écrits essentiellement par moi et Loïc, et là on a tous participé à la composition de celui-là, et surtout Mike, en fait, notre bassiste, qui est avant tout un guitariste, qui jouait avant dans un groupe qui s'appelait Swine Punch, qui était beaucoup plus punk hardcore. Il a apporté sa touche, il a composé aussi des musiques, on a composé les morceaux à deux avec lui. Julien a apporté aussi sa touche en termes de un peu sur la compo et sur les arrangements, et Loïc a voulu aussi apporter un peu de la nouveauté dans la voix, et notamment aussi grâce à Flo de Landmark, qui nous a enregistré, a vraiment permis à Loïc de s'exprimer et d'essayer des choses, et qui aujourd'hui fonctionne super bien dans l'ambiance générale. Et voilà, c'était vraiment une volonté d'apporter quelque chose de différent et vraiment d'assumer toutes nos influences à tous, voilà, donner une nouvelle dimension à notre musique, en fait, et pas de rester dans une étiquette comme on a peut-être pu l'être un peu au début, sur les débuts du groupe, où tu cherches un peu à te découvrir et à proposer une musique. Et vraiment aujourd'hui, It's In, c'est ça, c'est une bande de potes qui fait vraiment la musique qui lui plaît, et on arrive à mixer tout ça ensemble, et je pense qu'on est assez content, on est vraiment content du résultat. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses que l'apport d'un producteur extérieur, comme ça a pu être le cas sur Straight to Namek, est quelque chose d'indispensable pour arriver à sortir, on va dire, de sa petite zone de confort et d'arriver à développer sa propre personnalité? Je pense que, pour le coup, nous, ça nous a vraiment aidé sur cet album, dans le sens où les mecs qui nous ont enregistrés étaient vraiment là pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de parti pris, en fait, ils étaient juste là pour nous dire, écoute, là, ta partie que tu viens de faire, refais-la moi, mais en mieux, donne-moi ce que tu as de meilleur, et derrière, on va essayer de le faire sonner le mieux possible. Tu vois, il n'y a pas eu un choix entre toi, tu t'appelles machin, t'es super connu, toi, t'es moins connu, vraiment, les mecs, ils étaient là pour faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire de mieux, et faire en sorte que ton groupe sonne le mieux possible. Et c'est ça qu'on a vraiment apprécié à travailler avec eux, c'est que ils nous ont vraiment aidé à tirer tout ce qu'on avait composé vers le haut et l'enregistrer le mieux possible, pour que voilà, derrière on ait le rendu le meilleur possible sur cet album. Vous prenez le parti pris du format plutôt court, puisque on a quelque chose comme 24 minutes pour 10 morceaux. Est-ce que ça fait partie là aussi de l'ADN du groupe? Alors je sais que dans le style que vous pratiquez, on est plutôt sur un format court plutôt que les morceaux fleuves de Dream Theater, par exemple. Néanmoins, on a quand même un album un peu coup de poing qui se veut même plus court que, si je ne m'abuse, plus court que Rain in Blood. Ouais, c'est vrai. j'avais pas remarqué ça, mais effectivement. Oui, c'est aussi ça aussi, c'est un peu une volonté d'écrire des morceaux assez rapides, assez intenses. C'est vrai que t'écoutes l'album, il dure, on peut se dire qu'il dure que 24 minutes, mais c'est quand même 24 minutes à donf, vraiment intense. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on joue notre musique en live. En fait, nous, on est vraiment un groupe qui kiffe le live. On écrit principalement les morceaux pour les jouer en live. Et je pense que si tu commences à te prendre 50-60 minutes de trash hardcore à Burn dans la tronche, bon, au bout d'un moment, je pense que le public, il est saoulé. Donc, des concerts de 30-40 minutes, c'est un bon format. Et voilà, ça reflète, en fait, l'album reflète vraiment la musique en live. Elle est écrite et taillée pour ça, quoi. Alors, je te propose de passer un premier extrait pour ce soir de 8 Scenes avec Straight to Namex. Ce sera le morceau Corpse Panic que vous avez mis en avant pour une première vidéo extrait de cet album, avec des images live tirées du Silla Copenhague, si je ne m'abuse. C'est exactement ça, ouais. On a tourné un clip live cet été au Silla qui est au Limefest, deux festivals où on a joué au mois d'août et septembre, où c'était vraiment cool. Et voilà, c'est un single extrait de l'album. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces deux dates, un souvenir particulier, comment ça s'est passé? Ouais, c'était... Franchement, c'était vraiment deux très belles dates, notamment le Silla qui est open air. C'est un festival qui est près de Lyon, qui commence à être vraiment bien bien réputé en France, qui est sold out depuis plusieurs années. Et c'est un festival vraiment accessible, qui a pas envie de trop grandir et qui fait qu'il y a une super ambiance. On croise plein de potes et il y a vraiment une prog de qualité. D'ailleurs, cet été, j'ai entendu plein de festivaliers dire sur des interviews que après le Hellfest, leur deuxième festival préféré, c'était le Silla. Et donc, on a eu la chance d'être choisi cette année par eux pour représenter un peu les groupes émergents. Et c'était pas votre première prestation au Silla? On y avait déjà joué. On y avait déjà joué par le passé. Et là, ils nous auront fait confiance cette année. Et c'était vraiment un show énorme, le public était présent, on a joué le dimanche midi, mais le public était là, il y avait du monde, c'était la folie, on a eu un accueil incroyable, on a croisé plein de gens qui étaient super contents du concert, enfin voilà, on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs, et c'est une date qui restera gravée pour le groupe, et c'est là qu'on a profité pour tourner ce clip. Et j'encourage tout le monde à aller voir le clip qui a vraiment des belles images. D'ailleurs, je salue au passage le réalisateur qui s'appelle Julien Sartorius de 8 Path Studio qui a fait un travail incroyable sur ce clip. Et vraiment, on le remercie pour ça et très très belles images. Et aussi, ça a été tourné aussi au Limefest, un autre petit festival qui grandit d'année en année où l'orga est super... les mecs nous ont super bien accueillis et on a eu aussi un énorme accueil du public où c'était vraiment la fête. Voilà, on remercie tout le monde pour ça. C'est des beaux souvenirs pour le groupe. Eh ben, c'est avec plaisir qu'on envoie ça tout de suite. Corpse Panic, extrait de Straight to Namek par 8 Scenes. Yeah! Yes, extrait de Straight to Namek par 8 Sins. Ce sera Cops Panic. Tout de suite, Arnaud, est-ce que tu es toujours à l'autre bout du fil? Ouais, je suis toujours avec vous. Ouais. Eh bien, très bien, super morceau, encore une fois, une super prod. Moi, ce qui me fait délirer, justement, c'est cet aspect un peu comic book que vous avez sur la pochette. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'artwork, on a en fait les musiciens du groupe qui sont grimés en personnages à la fois de Star Wars. Le bassiste représente Yoda. On a le batteur en Terminator, toi en Ghostbusters. Vraiment, est-ce que tu peux revenir sur cet artwork? Qui c'est qui a eu cette idée-là? Et puis l'arrière, dans lequel on retrouve pêle-mêle Skeletor, Gene Simmons, pas mal de personnages de Dragon Ball Z, Mortal Kombat, les Gremlins. Donc, tiré de la pop culture. Et ouais, bah en fait, c'était... C'est un peu en discutant comme ça, on se posait un peu la question de savoir ce qu'on allait faire sur la pochette, et on a voulu parler de nos influences, tu vois. Je parlais tout à l'heure des influences musicales, mais on a voulu montrer un peu aussi nos influences de tous les jours, en fait, de la vie de tous les jours, surtout quand on était gamin. On a un peu tous le même âge dans le groupe, et voilà, on a commencé à partir un peu dans ce délire, à se dire est-ce qu'on se mettrait pas se personnifier dans les trucs de notre enfance. Et en fait, on a la chance de connaître le mec qui a fait la pochette, qui s'appelle Christophe Regnault, qui est un artiste incroyable, que je salue d'ailleurs au passage. Et on avait déjà travaillé avec lui sur la pochette de It's a Trap, l'EP juste avant, où il avait fait un boulot de dingue. Et on voulait absolument retravailler avec lui. Et c'est un peu un mec aussi qui a le même âge que nous. Et quand on a commencé à lui parler un peu des idées qu'on avait, voilà, tout de suite il a accroché. Et il était méga chaud pour nous faire une pochette un peu fun comme ça. Voilà, ça s'est fait un peu sur le délire. Et ça représente aussi, voilà, 18, ça passe aussi par ça, par l'image qu'on a. Où en fait ça nous représente, c'est un peu un truc authentique, où ça représente le groupe, ce qu'on est, d'où on vient, et qu'est-ce qui nous fait marrer, qu'est-ce qui nous fait marrer dans la vie, et d'où viennent nos influences, aussi dans la musique, ça vient grâce à ça aussi au passage. Et justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur le morceau Last Action Zero et le sample que vous avez mis de Last Action Hero? Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un action movie des débuts des années 90 avec Schwarzenegger. Ouais. Voilà, c'est exactement ça en fait, c'est pile poil le genre de film avec lequel on a grandi. Donc avec nos yeux de gosse, on a tous ces films en mémoire. Et voilà, on voulait écrire une chanson là-dessus. Loïc avait l'idée d'écrire une chanson sur un super-héros qui n'en est pas un, en fait, qui est plutôt un tocard et un mec qui préfère prendre la fuite. Et ça m'est venu comme ça, tiens, Last Action Zero, pour dire que le mec, c'est vraiment un zéro. Et on a sorti les samples du film parce que ça nous fait quand même beaucoup rire. Voilà, en gros, la Zik raconte le mec qu'on prend pour un super-héros ne l'est pas du tout, et quand il y a une bagarre, il préfère s'enfuir et aller se planquer. Voilà. Et Schwarzy nous fait bien marrer aussi. Ouais. Et de plus, vous avez un invité qui est venu pour un spoken word. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors en fait, effectivement, on a un petit guest surprise. Voilà, les gens l'ont pas encore découvert, mais effectivement on a une track sur l'album où on a Seth Gecko, pour ceux qui connaissent, un gros poids lourd du rap français, qui nous a posé un petit texte. Et en fait Loïc est tatoueur sur Grenoble, d'ailleurs je vous invite à voir son travail au Black Sheep Tattoo, connaît Seth Gecko parce que il le tatoue, il lui a déjà fait plusieurs tatouages. Et puis voilà, en discutant, en découvrant un peu la musique de chacun, on est tombé sur une petite collaboration comme ça, on est super content d'avoir cette Gecko sur l'album. C'est un petit clin d'œil à ceux qui aiment cet artiste, et voilà, c'était un petit délire aussi autour de DBZ, une de nos influences qu'on a. Donc voilà, lundi vous pourrez découvrir ça sur Spotify, ça sort le 13 novembre. Exactement. Et est-ce que justement une autre collaboration, mais cette fois musicale, sur un morceau, parce que là, il intervient, mais il intervient uniquement pour un spoken word d'introduction de morceau. Est-ce que, ou même plutôt interlude, on pourrait dire, est-ce que ce serait possible qu'il de voir une vraie collaboration au sein d'une composition? Alors ça peut-être, je sais pas, peut-être sur un futur enregistrement. Là, en tout cas pour celui-ci, c'était pas à l'ordre du jour, mais on est ouvert à plein de choses dans le groupe et c'est déjà des choses qu'on avait fait en fait par le passé. En 2009, on a enregistré un EP 6 titres. On avait fait une collaboration avec un rappeur bordelais qui s'appelle Seth. Et donc on a écrit trois titres et lui avait écrit trois titres et on avait fait sortir un EP à l'occasion, c'était en 2009. Donc ça peut peut-être se refaire dans le futur, voilà. On aime bien aussi sortir un petit peu des choses classiques et proposer des collabs comme ça qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire. Donc c'est pas impossible que ça arrive de nouveau dans le futur. Et justement, est-ce que tu pourrais revenir maintenant sur le titre de l'album Straight to Namek? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est une expression de notre batteur qui nous dit souvent, quand ça nous arrive après les concerts de faire un peu la fête, il nous dit « Les gars, je suis sur Namek ». Donc c'est parti un peu de là, l'histoire de dire que... Il y a ça aussi un peu dans le groupe, dans ce milieu, on fait un peu la fête et on va direct sur Namek. Et puis en fait, on est parti dans le délire un peu aussi Dragon Ball, qui est une énorme influence pour nous tous. Et voilà, c'est sorti un peu de ça. Et c'est aussi pour dire que on n'aime pas non plus trop se prendre au sérieux dans le groupe. On aime faire les choses vraiment bien, mais on aime aussi faire la fête avec notre public et tous ensemble. Et voilà, ça vient de là aussi en fait, c'est que... on est là en concert pour vraiment donner le meilleur sur scène et de notre zik, mais on est aussi là pour faire la fête avec le public, parce que ça doit rester drôle, sinon si on est trop sérieux on se fait chier. Exactement. Et justement, alors on retrouve certaines parties, alors tu es le seul guitariste de Eight Things, on retrouve certaines parties de lead sur cet album. Pour toi, est-ce que on va dire dans un morceau de hardcore, de crossover, comme on pourrait dire, pour vraiment qualifier votre style, est-ce que le solo de guitare est pertinent, à ton sens? En fait, je dirais tout dépend vraiment des influences du groupe, mais à mon sens, à mes yeux, ouais, parce que j'ai grandi avec le thrash, et surtout j'ai grandi avec Pantera, et j'ai appris la guitare avec... Dimebag Darrell, moi c'est vraiment mon guitariste, mon idole de quand j'étais jeune, et ça l'est encore aujourd'hui. Et du coup, je vois pas le thrash et la musique qu'on joue sans solo de guitare, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et avec lequel j'ai grandi. Et je trouve que les solos de guitare, c'est vraiment ça apporte quelque chose en plus à la musique, quoi. Ça vient la sublimer. Il y a vraiment un truc qui tue dans les solos de guitare, c'est le truc du guitar hero en fait. Et en tout cas personnellement, je le vois pas sans. Et alors j'aime beaucoup de groupes qui ont pas forcément de solo, c'est pas un souci, mais quand il y a voilà un guitariste qui arrive et qui tape un petit truc de guitar hero, je trouve ça vraiment classe et je trouve que ça apporte autre chose à la musique. Ok, je te propose maintenant, pour terminer l'interview ce soir, de diffuser le morceau titre avec Straight to Namek. Ici, est-ce qu'on est sur un territoire différent de ce qu'on a pu entendre avec Cops Panic? Ouais, et exactement. Straight to Namek, on a proposé un truc un peu différent, notamment c'est là où la voix, le chant de Loïc se démarque le plus de ce qu'on a pu faire jusqu'avant. Où vraiment, vous allez le découvrir dans quelques minutes, il y a des parties un peu plus chantées. Et puis le globalement aussi, c'est une chanson qu'on a composée à deux avec Mike, le bassiste qui est, je le rappelle, guitariste, et qui a apporté sa touche plus punk rock. Et voilà, il y a un mix des deux, et voilà, on propose un petit peu autre chose, mais c'est vraiment, voilà, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment, on est super contents du résultat, et on est super fiers de présenter ça aujourd'hui, quoi. Eh ben, merci à toi Arnaud pour l'interview ce soir. On rappelle que Straight to Namek par 8 Scenes verra le jour lundi 13 novembre de toutes les bonnes, du côté de toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient physiques ou bien numériques. Et je pense que vous êtes également disponible sur Bandcamp. Oui, aussi, ouais, sur Bandcamp. Bandcamp sera mis en ligne, pour retrouver également le merch et les CD également, pressage vinyle également. Exactement, ouais, c'est ça. On a du digipack, du vinyle sur commande sur notre store en ligne ou alors en concert. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur 8scenes.fr, il y a toutes les actus, toutes les infos. Et comme tu l'as dit, lundi, l'album sort sur toutes les plateformes numériques, sur Bandcamp, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Enfin, voilà. Donc on est là sur une avant-première avec Straight to Namek. Merci à toi encore une fois. Et ben, merci beaucoup pour l'interview. Pour un morceau qui va pas mal défourailler. Et elle te sert à quoi cette pipe en bambou? À me faire voyager. Voyager comment? Oh bah très loin. Jusqu'où? Namek. Let me demonstrate an immortal technique. Are you ready? It takes no time to master. A perfect end, instant transmission. Just breathe and travel to another dimension. Straight to Namek. Through time and space, this ship rips off my brain. Disconnected on myself. We are going straight to Namek. Two fingers in my head, dematerialize at the speed of light. Then I realize I'm just stuck on my mind. My bloodshot eyes, still paradise. Stone on the party, don't try to stop me. My bloodshot eyes, feel paralyzed. Too many hallucinations lead to cosmic anger. I've overloaded, instant transmission. Just breathe and travel to another dimension. Straight to Namek. Through time and space, this ship rips off my brain. Now I feel motherfucking wasted. We are going straight to Namek. Two fingers in my head, can't move out of my chair. Now I know that I'm fucked up. I'm wasted. I'm stoned. I'm wasted. I'm stoned. I'm wasted. I'm stoned. I'm wasted. Yes, encore une fois, merci à Arnaud du groupe 8 Scenes pour la super sympathique interview. Jetez-vous sur leur dernier album, Straight to Namek par 8 Scenes. Ça défouraille un max, tout simplement. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio. Il est 22h passé de 15 minutes. Maintenant, on reprend la programmation avec maintenant le groupe Angra qui nous sort son dernier album Cycles of Pain. Donc maintenant, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi l'historique de Angra, on a au chant Fabio Leone, qu'on a connu bien entendu au sein de Rhapsody of Fire pendant de nombreuses années, Et bon, au début, j'étais quand même assez dubitatif quant au fait que bon, on retrouve tout simplement le chanteur de Rhapsody dans Angra, puisque c'était quand même deux groupes à la personnalité assez forte qui avaient leur succès. On n'imaginait pas que les deux puissent se marier. Néanmoins, il faut bien reconnaître que depuis l'album Omni sorti en 2018, on a là affaire à quelque chose de très sérieux. Et que, bien entendu, la voix de Fabio Leone fait vraiment des ravages et qu'ils ont composé ensemble d'excellents morceaux comme ce Ride Into The Storm qu'on va diffuser tout de suite dans Overdrive, extrait de cet album The Cycles of Pain. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Seven Weeks avec Fade Into Blurred Lines pour cet excellent groupe de rock alternatif français qui existe depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Fade Into Blurred Lines, excellent, excellente production et un style là aussi très personnel. On enchaîne un titre un peu rock, on va dire, avec un pur morceau de heavy metal. On a eu en gras, on a passé du Seven Weeks, et maintenant au tour de d'Europesh de nous sortir son dernier album, Forever Conquerors, Forever Strong and Proud. Ce sera sorti sur Nuclear Blast. On retrouve pas mal de très bons morceaux, également plusieurs duos en compagnie avec Rob Halford pour un Living After Midnight, et puis un autre morceau un peu différent qu'on diffusera peut-être en fin d'émission un peu plus tard. Pour l'heure, j'ai décidé de diffuser le morceau Fire in the Sky pour cette excellente chanteuse toujours ici présente sur le devant de la scène depuis maintenant plus de 35 ans. Stand up, let's prepare to fight. Put your hands up, your life's on the line. Gonna pray for the ones you love, having faith in you and in God. Gotta fight, you know what is right. Tonight, fight, fight. Gotta strike, you know there's no place to hide. And no way out. Could foresee, but hard to believe. I did receive a sign or just two. We gotta fight, you know that it's time tonight. We gotta strike, 'cause there ain't no place to hide and no way out. Oh, I see fire. Sans transition, on enchaîne avec l'excellent groupe français Black River Sons.

Black River Sons, excellent groupe français. Vous aimez à la fois Lynyrd Skynyrd et des groupes un peu plus récents comme Blackstone Cherry. Vous devriez adorer ce dernier album du groupe Black River Sons avec cet album Skins qui vient de voir le jour. Dans un style plus sombre, plus alternatif également, ce sera La Mécanique du Vide par le groupe Under Void tout de suite, qui nous sort son premier single, quand bien même. L'album verra le jour dans tout simplement 2 semaines, ce sera le 24 novembre prochain avec La Mécanique du Vide, et on s'envoie tout de suite ce premier single, quand bien même. Le groupe Under Void, tout de suite, quand bien même, extrait de cet album La Mécanique du Vide. Vous venez d'entendre. Maintenant, on passe à Nervosa, qui nous vient avec son dernier album, Les Tracheuses, toujours emmenées par la brésilienne Prika Amiral, nous reviennent avec Seed of Death, sorti sur ce label autrichien Napalm Records, pour tous les amateurs de thrash metal, et j'en fais bien sûr partie. Voilà pour le groupe Nervosa, Seed of Death. Tout de suite, on va passer à Endseeker maintenant, sortir sur le label Metal Blade avec cet album Global Warming et le morceau Hell Is Here. Tout de suite, on continue dans une veine, encore une fois, Death Metal. Yes, vous venez d'entendre Penitence Oniric, plutôt, Wolves in the Throne Room, avec ce Twin Mouthed Spring, extrait de leur dernier mini-album, ça s'appelle Crypt of Ancestral Knowledge. On va quasiment terminer l'émission maintenant avec Penitence Oniric et leur dernier album Nature Morte. Ça vient de voir le jour sur les Acteurs de l'Ombre Productions et ce sera du black metal mélodique avec les Mammonites. Vous écoutez bien sûr Overdrive Radio Tour. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 8-9-5 de Radio Duo. On remercie encore une fois Arnaud de 8 Scenes pour la fantastique interview. Ce soir, jetez-vous sur 8 Scenes et Straight to Namek qui verra le jour lundi 13 novembre. On se quitte au son de ce duo entre tout simplement Doro Pesch et Rob Halford pour ce Total Eclipse of the Heart pour les amateurs de musique des années 80. Bonnie Tyler, bien entendu. On se dit à la semaine prochaine. Les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. Et on rappelle une dernière fois le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radioduo. Voilà, je libère l'antenne. Merci. Ciao. Bye bye. Falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say. A total eclipse of the heart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart.